La boule à neige par Géode Homme, œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNCND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. 1. Boule à rêve. Noël soupire et se remet à sa tâche. Quelle corvée de devoir ranger et surtout trier. Ne garder que l'essentiel, lui a-t-on dit. Mais c'est quoi l'essentiel ? À quel essentiel peut se résumer toute une vie ? Noël ne veut pas partir, mais parce qu'elle est seule, fragile, que sa famille est au loin, il a été décidé de la placer dans une pension. Elle ne peut se résoudre à utiliser le terme de maison de retraite, une maison en voie de garage, voie sans issue, ou plutôt dont l'issue est unique et dernière. Dans des cartons, Noël a commencé à classer ce qui sera donné, mis en vente, jeté. Pour certains objets, c'est facile, mais pour d'autres. Elle tombe sur un tiroir où elle a entassé des tas de souvenirs plus ou moins anciens, surtout pas précieux au sens commercial du terme, mais auxquels elle tient parce qu'ils lui sont chers, surtout des petits objets de son enfance. Tiens, sa boule à neige. La pauvre boule est tout opaque. On distingue à peine ce qu'elle renferme. Un sapin, un personnage en rouge, tenant une grande canne. Noël la secoue et les grains blancs figurant les flocons flottent un instant dans l'eau. Il faudrait qu'elle en rajoute parce qu'elle sait en partie évaporer. Elle n'arrive pas à distinguer si c'est le Père Noël chargé de paquets ou un lutin de Noël et elle ne s'en rappelle pas. Ce dont elle se souvient, c'est du jour où elle l'avait reçu. Et c'est un raz-de-marée qui la submerge tout d'un coup, le pourquoi de son prénom. Le sentiment de frustration qu'elle a toujours ressenti, le poids de certains ressentiments. Noël, dernière d'une fratrie de 8 enfants, était un bébé surprise, non désiré, non attendu, subi plus qu'accepté. En plus, elle avait eu la mauvaise idée de naître dans la nuit du 24 au 25 décembre, et faute de lui avoir prévu un prénom, elle fut nommée Noël, Marie, Jésus, Joseph. Du coup, son anniversaire et sa fête tombaient le jour de Noël. C'était pratique pour les cadeaux, elle les recevait tous en même temps, mais pas multipliés pour autant. Que de fois avait-elle envié ses frères et sœurs plus âgés qu'elle et bien plus choyés lorsqu'ils fêtaient leur anniversaire tout au long de l'année avec cadeaux à la clé. Une année plus noire que les autres, ils durent tous se contenter de jouets d'occasion pour Noël. Elle reçut alors sa boule à neige, comme une promesse de cadeaux à venir qui ne sont jamais venus. Cette boule, elle l'a à la fois adorée et haïe. Tantôt, elle trônait à la tête de son lit, tantôt, elle était jetée au fond d'un tiroir, parfois, elle la mettait sous son oreiller pour faire de beaux songes. Noël se souvient même une fois l'avoir lancée dans la neige, espérant qu'elle formerait une grosse boule en roulant dans la poudreuse et réaliserait ses rêves d'alors. Mais la boule s'était enfoncée dans la couverture blanche et Noël ne l'avait retrouvée qu'au printemps, après la fonte des neiges. Aujourd'hui, elle a le choix de la garder parmi ses trésors ou de la jeter définitivement. Elle ne peut s'y résoudre. Et machinalement, elle la frotte sur la manche du gilet qui couvre son bras gauche, mais la surface opaque ne s'éclaircit pas. Alors, elle exhale dessus un peu de buée pour tenter de lui redonner un peu d'éclat et la lisse d'une main attendrie, mais la boule ne redevient pas limpide. Toujours indécise, découragée, Noël s'assied dans son fauteuil. Elle tient la petite boule à neige dans ses mains, au creux de son giron, comme si elle voulait la réchauffer, et laisse sa tête se poser contre les oreilles de sa bergère de velours. Elle ferme ses yeux là. Alors, il lui semble entendre une musique, ou plutôt des grelots, comme ceux des traîneaux des Pères Noël de son enfance, ceux qui volaient dans les cieux et venaient par les cheminées déposer des paquets au pied des sapins, du moins ainsi qu'on le lui racontait. Elle n'avait pas cru longtemps à ces histoires, parce qu'elle avait bien remarqué que malgré sa sagesse de petite fille oubliée, elle était également oubliée dans la distribution des cadeaux. Elle n'avait jamais été jalouse, mais elle garde cependant quelques regrets et des désirs inassouvis au fond de son cœur. Bonjour Noël. Noël n'est plus de la première jeunesse, et son audition laisse parfois désirer. mais elle n'a jamais entendu de voix. Elle est seule, personne n'est près d'elle. Elle se demande si elle rêve, mais elle entend à nouveau « Bonjour Noël !» Noël doute de ses oreilles et n'a pas non plus pris l'habitude de parler toute seule. Cependant, là, elle murmure quand même « Mais qui parle ?»« C'est moi, Taboulaneige !»« Mais !» Noël ouvre les yeux, la petite sphère blanchâtre lui semble luire d'un éclat de nacre inhabituel. Elle veut la rapprocher de son visage pour mieux la regarder, mais la voix lui chuchote à nouveau « Referme les yeux, Noël, et repense à tes rêves d'enfant. » Noël ne se pose pas de questions. Tout plutôt que de partir à la maison de retraite. Que de fois n'avait-elle pas imploré sa boule à neige de lui ouvrir les portes d'un univers magique ? Aujourd'hui, parce qu'elle doit partir en exil, ce miracle ne se réalise-t-il pas ? Sur l'écran de ses paupières fermées s'inscrit alors un monde plein de lumière, de chaleur, tel qu'elle imaginait le pays de Noël à la lecture de ses livres illustrés. Elle entend à nouveau les chants de Noël que le tourne-disque familial diffusait à la demande de ses frères et sœurs. Elle se revoit tapie comme une petite souris sous l'escalier près du sapin décoré, cachée par les paquets emballés de papier multicolore. Souvent, elle avait tenté de lire à l'avance les noms sur les étiquettes illustrées, mais elle lisait plus souvent celui des autres que le sien. Et puis, elle revoit aussi les matins blancs de neige, au ciel bleu de froid, mais au soleil lumineux qui dessine des ombres azurées au pied des arbres. Et elle se souvient des parties de boules de neige, des glissades sur la luge, des cabrioles dans la poudreuse. Elle rêvait d'aller dans le pays du Père Noël, en Laponie, où les rennes vivent libres. Elle l'avait lu dans un livre et elle croyait que sa boule à neige était magique, qu'il suffisait de la frotter comme la lampe d'Aladin pour y être transportée. Hélas, cela ne s'était jamais produit. Sans ouvrir les yeux, elle caresse la petite boule dans son giron. Elle pense très fort « Emmène-moi avec toi. Je veux découvrir ton monde et puis je voudrais participer à ces fêtes, donner ce que j'ai de meilleur en moi, aider à créer du bonheur. Il y a tant d'enfants, mais aussi de grandes personnes qui ont besoin de soutien, de chaleur, d'amitié, d'amour. J'ai tout cela à donner. Je ne suis pas assez vieille et décrépie pour être enfermée dans un mouroir. Emmène-moi. Alors, tiens-moi bien au chaud dans tes mains jointes, Noël, et garde tes yeux fermés. Nous partons. » 2. Quand ça déboule, la sonnette de la porte retentit. Noël sursaute. Elle était bel et bien en train de s'endormir dans son fauteuil au lieu de continuer à préparer son départ. Que lui dirait-on si on l'avait surprise à paraisser ainsi ? Elle se lève un peu péniblement, ankylosée, et repousse le plaid. La boule à neige qu'elle tenait dans ses mains glisse dans les plis de la couverture et roule sous un meuble. Elle n'a pas le courage de se mettre à quatre pattes pour aller la récupérer. Encore une fois, elle la retrouvera par hasard et elle sait qu'il viendra vite puisqu'elle doit quitter son logement. À la porte, la sonnette s'impatiente, une main frappe, une voix appelle « S'il vous plaît, ouvrez, êtes-vous là ?»« J'arrive, j'arrive !» Noël se hâte et ouvre la porte. Elle reconnaît sa jeune voisine, ou plutôt la colocataire de son voisin. Que se passe-t-il ? « Monsieur Desrien est tombé, il a mal, il ne peut pas se relever. » Je voudrais appeler les secours, mais il a mis un cadenas sur son téléphone et il a trouvé moyen de me piquer mon portable. Puis-je me servir du vôtre ? Bien sûr, là, dans le salon. La jeune fille remercie et s'empresse d'appeler les pompiers. En quelques mots précis, elle donne l'adresse, décrit le problème de la victime et raccroche dès qu'on l'a assurée de leur arrivée. Elle se tourne alors vers Noël. Désolée de vous avoir dérangé, mais là, encore merci. De rien, j'espère que ce n'est pas trop grave. Tant pis pour lui, il est monté sur un escabeau pour cacher mon téléphone qu'il m'a confisqué. Il prétend que ça consomme toute son électricité. Bon, soupire-t-elle, il faut que j'aille le retrouver en attendant l'arrivée des sauveteurs. Je viens avec vous. Merci, vous êtes vraiment gentil. Vous allez voir, il va nous insulter. Noël ne connaît pas vraiment ce voisin, qu'elle ne croise pas souvent dans les escaliers, le hall ou l'ascenseur. Mais elle sait qu'il est désagréable, irascible, bruyant aussi, la nuit surtout. Lorsqu'elles entrent dans son appartement, il la reconnaît cependant et l'apostrophe Vous venez jouer les commères, hein ? C'est vous qui êtes allé la chercher, Clémence. Je suis allé appeler des secours. Je ne peux pas vous relever, et mon prénom n'est pas Clémence. Surtout, vous êtes incapable de me soigner, pauvre niaise. Vous allez faire vos bagages et dégager. Je ne veux plus de vous ici. Vous n'êtes bonne à rien. Mon rôle n'a jamais été de m'occuper de vous. Vous inquiétez pas, je vais partir. À ce moment-là, les pompiers arrivent. Leur médecin ausculte le vieil homme brièvement, puis ordonne son évacuation sur le brancard qui a été amené. Pendant qu'il est emmené, il ne cesse de poursuivre ses invectives à l'adresse de sa jeune colocataire qui, depuis le palier, lui lance « Vous ne me retrouverez pas à votre retour, je me tire, je vous amènerai vos clés à l'hosto. » Après le départ des sauveteurs, le calme revient, la jeune fille souffle « Il ne me reste plus qu'à récupérer mes affaires et mon téléphone. Je vais aller voir au-dessus de l'armoire. À coup sûr, c'est en le cachant là qu'il est tombé, le vieux Grigou. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. » On arrive à la fin du trimestre et je devais passer des examens. Si je n'ai pas de logement, je serai obligé de retourner chez mes parents et je perdrai mon année de fac. Venez prendre une tasse de thé ou un jus de fruits. Nous pourrons parler un peu si vous le désirez. Clé, vous ne vous appelez pas Clémence, j'ai cru comprendre. Non, mon prénom est Clémentine, un prénom un peu ridicule et souvent on s'est moqué de moi. Je ne l'aimais pas beaucoup, mais le père Desrien, lui, l'a carrément refusé. Il l'a transformé en Clémence. Que je déteste. Du coup, j'apprécie mieux Clémentine, mais il n'a jamais voulu l'utiliser. Entrez et parlez-moi un peu de vous, Clémentine. » Peu après, la vieille dame et la jeune fille bavardent comme deux amies. Clémentine raconte qu'elle a accepté une colocation transgénérationnelle pour disposer d'un logement à prix raisonnable afin de suivre ses cours de licence d'anglais à la faculté. Cependant, son vieux propriétaire n'est pas du tout agréable à vivre. C'est un grippe-sou, intolérant et égoïste. Il a vendu son appartement en viager, vit avec les aides des associations qui offrent des repas ou des produits alimentaires. Il surveille ce que je mets dans le frigo. Du coup, j'évite les produits frais. Quand j'en achète, je les consomme tout de suite. Il surveille son compteur électrique et coupe le courant quand il estime qu'il est trop tard pour que je travaille avec mon ordinateur. Heureusement qu'il a une batterie que je peux recharger pendant la journée. Je crois que ça, il ne l'a pas compris. Pour mon téléphone portable, j'ai un forfait qui utilise le Wi-Fi public parce qu'il n'a pas de connexion Internet chez lui. Son téléphone à lui est un objet venu de l'Antiquité, à cadran, qu'il a pourvu d'un cadenas qui m'interdit de m'en servir. Bref, c'est très difficile à vivre. Je peux verrouiller la porte de ma chambre, mais je sais qu'il a un double de la clé et qu'il y vient en mon absence. Ma pauvre enfant, quel horrible individu ! Cela m'ennuie pour mes études, mais finalement, je suis contente que ça se termine. Je vais aller lui rendre la clé de l'appartement dès que j'aurai fait ma valise. C'est sûr qu'il va m'accuser de lui avoir volé plein de choses. Mais je m'en fous. S'il savait à quel point je déteste tout ce qu'il y a chez lui. Je pourrais la lui redonner à son retour. Cela vous éviterait de le voir à nouveau. C'est gentil, mais il serait capable de porter plainte contre vous. Non, je donnerai la clé à l'infirmière qui la lui rendra. Puis je partirai. La sonnette de l'entrée résonne à nouveau. Noël s'excuse et va ouvrir. Devant elle, Josiane, la responsable des services sociaux, qui s'occupe d'elle et de son départ en maison de retraite. Noël la reçoit avec sa gentillesse habituelle et la présente. Voici Clémentine, une jeune amie. Clémentine se lève et veut s'éclipser, tandis que Josiane expose l'objet de sa visite sans attendre. Je suis désolée de vous apprendre une mauvaise nouvelle. La place que nous vous avions réservée dans l'établissement de retraite n'est plus disponible. Nous avons dû la céder à une personne quasiment invalide et... Le cœur de Noël bondit dans sa poitrine. De soulagement, elle s'écrie « C'est très bien, elle le méritait sans doute » et... Noël hésite un peu, puis se lance « D'ailleurs, vous tombez bien. J'ai aussi du changement dans ma vie. Voici, Clémentine va venir habiter chez moi. » Elle était la colocataire d'un voisin qui vient d'être hospitalisé et qui ne reviendra peut-être pas dans son appartement. Elle a besoin d'un logement pour poursuivre ses études. Et comme j'ai une chambre libre, Noël s'est tournée vers la jeune fille qui, ébahie, la regarde sans trouver un mot à dire. Elle hoche la tête pour l'inciter à répondre à son invitation. Clémentine balbutie enfin « Oui, oui, je serai très heureuse de vivre avec vous ». Josiane, insensible à l'échange silencieux qui vient de se dérouler entre ses interlocutrices, conclut alors « Alors c'est parfait. Vous m'excuserez, mais je dois partir, j'ai beaucoup à faire. » Noël la raccompagne à la porte. « Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. » Lorsqu'elle revient dans son salon, Clémentine lève les yeux vers elle. « Vous êtes sûre ? Vous ne me connaissez pas. Hein ?» Dans un petit rire, Noël répond « Vous non plus. Mais nous allons faire connaissance. Et je suis sûre que nous allons nous entendre. Allez vite récupérer vos affaires chez le vieux gâteux. Et venez vous installer. Tiens, je vous fais visiter votre chambre et le reste de l'appartement. Vous aurez l'usage de la salle de bain, de la cuisine, autant que vous en aurez besoin. Je ne peux pas vous payer un gros loyer. Vous me donnerez ce que vous voudrez, juste pour vos consommations. Et encore, peu importe. J'espère seulement que vous vous plairez ici. Merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au moins, je ne vais pas partir en maison de retraite. Je crois que j'y serai morte. » 3. Boule et boule et... En ouvrant la porte de la chambre pour Clémentine, Noël s'excuse. « Ma maison est toute en carton. Comme je devais partir, j'ai commencé à trier mes affaires, à mettre en carton ce que je veux donner, voire vendre ou emmener. Il faut que je choisisse maintenant de déballer et ranger ce que je souhaite garder. Le reste, je ne sais pas encore. Je connais près de la fac une boutique qui vend des objets d'occasion qu'on leur donne. Elle permet aussi de les revendre, ils ne prennent qu'une petite commission sur les prix. Si vous voulez, je peux vous la montrer, on ira ensemble, et j'emmènerai ce dont vous voulez vous débarrasser. Cela vous fera un peu d'argent. C'est une bonne idée, Clémentine. Je sens qu'on va bien s'entendre. Voyez la chambre, est-ce qu'elle vous convient? Elle donne sur la rue, c'est peut-être un peu bruyant parfois le soir. Oh, mais elle est parfaite! Au moins, ce sera plus vivant que le cagibi que m'a loué le vieux Grigou, avec fenêtre sur la cour humide et sombre. Brrr! Je sais, moi, que je vais beaucoup me plaire chez vous, et avec vous. Je vais aller récupérer mes affaires tout de suite. Je vous accompagne. Je tiendrai l'escabeau pendant que vous irez chercher votre téléphone sur l'armoire. Oui, merci beaucoup. Inutile de rappeler les pompiers pour un autre accident. Peu après, Clémentine, juchée sur le marchepied, inspecte de la main le dessus du meuble. Burk, en plus, il ne fait pas le ménage. Il y a une de ces couches de poussière. Ah, et le voilà. Elle ramène son portable auréolé de moutons qui voltige jusqu'au sol. Ben, je ne passerai pas l'aspirateur là-haut. Ça pourrait même le boucher. Allons dans la chambre. Tout ce qui m'appartient y est entreposé et il n'y a pas grand-chose. Quand j'ai vu comment il se comportait, j'ai évité d'emmener trop d'objets. Il ne faut pas beaucoup de temps pour achever le mini déménagement et Clémentine ferme soigneusement la porte en sortant. Je vais aller lui rapporter ses clés au vieux grincheux, tout à l'heure, en allant à la fac. Vous avez raison, le plus tôt sera le mieux. La vie s'organise très vite dans une ambiance amicale, bénéfique pour toutes les deux. Clémentine, comme promis, a aidé Noël à reprendre possession de son appartement en le réinstallant selon son goût et ses habitudes. Quelques objets sans intérêt ont trouvé d'autres propriétaires, ce qui a libéré de l'espace. Noël n'a pas tardé à découvrir que sa jeune amie était aussi gourmande qu'elle et avait des goûts similaires. Cela lui a redonné l'envie de cuisiner et pâtisser, rien de tel que le partage pour apprécier les bonnes choses. De son côté, Clémentine a pris l'habitude de s'installer sur la table de la salle à manger pour travailler au lieu de s'isoler dans sa chambre. Ainsi, elle tient compagnie à son hôtesse qui respecte sa concentration en se consacrant à des tricotages ou des broderies selon son humeur. Souvent, elle discute et les sujets sont multiples, mais elles finissent toujours par tomber d'accord sur leurs opinions. Parfois, elles sortent ensemble pour faire des courses, se promener dans le parc voisin. Elles s'accompagnent mutuellement pour des rendez-vous qui, de corvée, deviennent plus plaisants. Clémentine a même réussi à entraîner Noël dans un de ses cours à la fac, ouvert aux auditeurs libres. Noël n'avait jamais mis les pieds dans un tel établissement, et bien qu'étourdi par le nombre d'élèves papillonnant dans un brouhaha dont elle ne saisit pas tout le langage de jeunes, elle a apprécié la découverte. Ce qu'admire surtout Noël, c'est l'ordinateur portable qui équipe Clémentine. Un bel objet moderne au logiciel à la pointe du progrès. La jeune fille a entrouvert les portes d'Internet à sa vieille amie qui a été éblouie par ce monde mystérieux, si lointain mais si proche à la fois, effrayant malgré tout comme une forêt profonde dont on ne devine pas tous les dangers, fascinant comme une épopée dans le cosmos aux multiples découvertes. Elle a raconté à Clémentine son apprentissage de la dactylographie sur une vieille machine à écrire Underwood datant de 1921, puis sur des IBM électriques à ruban, puis à boule. Elle a aussi travaillé, en tant que secrétaire, sur les premières machines à mémoire permettant de mémoriser quelques courriers, ce qui permettait de les corriger avant qu'ils soient imprimés définitivement. Elle a aussi traîné les premiers terminaux d'ordinateurs mastodontes installés sur les bureaux dans la salle collective de saisie. L'avènement des micro-ordinateurs individuels a couronné la fin de sa carrière professionnelle, mais elle n'en a jamais possédé un à titre personnel. Pour remercier Noël qui refuse tout argent de la part de sa locataire, Clémentine se donne le devoir d'accomplir les tâches difficiles ou fatigantes, comme le ménage, la lessive, la sortie des poubelles. C'est ainsi qu'en nettoyant sous le buffet, elle voit ressurgir une petite boule qui roule sous son balai, la boule à neige. Clémentine la ramasse et n'a pas le temps de questionner sa vieille amie que Noël s'exclame d'un air enchanté « Oh, ma boule à neige !» Le ravissement est tellement perceptible dans la voix qu'elle n'ose la dénigrer. Elle l'attend à Noël et patiente pour écouter l'explication qui ne manque pas d'arriver. « Je l'ai reçue à Noël quand j'avais, je ne sais plus quel âge, j'étais gamine. Évidemment, à l'époque, elle était en meilleur état. » Noël la secoue pour mélanger les grains blancs qui flottent dans l'eau. « Qu'est-ce que j'ai pu rêver avec elle ? Imaginer des histoires ? J'en avais même écrit quelques-unes, mais j'ai dû perdre mes cahiers. Il faut dire qu'à un moment, j'ai voulu devenir écrivain. Je voulais écrire des histoires pour les enfants, comme celles que je lisais, mais je suis simplement devenue secrétaire et ma boule à neige a vieilli, comme moi. Il est toujours temps d'écrire ses contes, Noël. Il y a toujours des enfants qui aiment écouter de belles histoires pour s'endormir. D'ailleurs, je me demande si vos textes ne sont pas dans ce carton que nous avons mis de côté pour le déballer plus tard. » Clémentine récupère le carton en question sur le champ et il ne faut qu'un instant à Noël pour redécouvrir ses écrits anciens. Cahiers d'écoliers, bloc-notes, feuilles volantes agrafées, tous les formats lui ont servi pour écrire. Toutes deux s'installent sur le canapé pour lire et partager ses textes, parfois illustrés de dessins naïfs, crayonnés et coloriés. « C'est un trésor !» s'exclame Clémentine. « Il faut les dactylographier et les diffuser !»« Je n'ai pas de machine à écrire. Et les diffuser ? À qui ?»« Je pourrais les recopier, mais j'ai une idée. » « Je vais vous prêter mon micro-ordinateur. Je n'en ai pas besoin tous les jours. Lorsque je le laisserai ici, vous pourrez vous en servir. Je vous montrerai. Et puis, je vous donnerai une clé USB pour mémoriser vos textes. Ainsi, ils seront toujours à vous. »« Mais c'est trop, Clémentine. Je ne peux accepter. »« Pourquoi, Noël ? Je n'ai jamais connu mes grands-parents, ni du côté de mon père, ni de celui de ma mère. » Mais depuis que je vous connais, je me dis que j'aurais aimé qu'une de mes grand-mères vous ressemble. J'aurais aimé avoir une mamie qui me raconte des histoires, comme celles que vous avez écrites, qui m'offre des goûters, comme ceux que nous partageons, avec laquelle j'aurais autant de plaisir à me promener qu'avec vous lorsque nous allons au parc ou au marché. Noël, voudriez-vous être ma grand-mère ? Oui, bien sûr, ma petite Clémentine. De mon côté, je n'ai pas eu d'enfants ni de petits-enfants, seulement quelques neveux et nièces que je n'ai pratiquement jamais vus. Alors, je ne sais pas trop bien comment m'y prendre et... Enfin, si vous voulez, je veux bien essayer. Ne changeons rien entre nous. Ou plutôt, si, on va se tutoyer. Tu veux bien, mamie Noël ? Oui, ma chérie, viens que je t'embrasse. L'instant d'après, elles sont toutes deux dans les bras l'une de l'autre, dans une étreinte chaleureuse et douce. 4. L'effet boule de neige. La relation de bienveillance et de confiance entre Noël et Clémentine s'en trouve accrue et se poursuit avec bonheur. Comme elle l'a promis, Clémentine a donné à sa vieille amie, pardon, sa grand-mère, toutes les informations nécessaires pour se servir de l'ordinateur portable qu'elle met à sa disposition. Elle lui a octroyé une clé USB et lui a montré comment l'utiliser pour mémoriser ses textes. Elle envisage de l'aider à scanner ses dessins et croquis pour illustrer ses écrits et lui enseignera tout ce dont elle a besoin. Elle se demande, mais sans lui en parler encore pour ne pas l'effaroucher, s'il ne serait pas pertinent de composer un recueil à proposer à des éditeurs. Noël profite des moments d'absence de Clémentine pour se relancer dans la dactylographie de ses anciens textes. Elle s'amuse de leur diversité et de la fantaisie qui était la sienne alors. Ses doigts, un peu rouillés, malgré les activités de tricotage et de broderie, retrouvent leur dextérité et les mots s'alignent rapidement sur l'écran. Elle prend grand soin de mémoriser son travail au fur et à mesure pour ne pas avoir à les retaper. Souvent, elle recopie ses textes, se promettant de les retravailler. Mais parfois, une modification s'impose et elle y souscrit. Elle ne pense pas au devenir de ce travail, tout à son enthousiasme généré par l'utilisation du micro-ordinateur. Elle se dit même qu'il lui faudrait bien en acheter un pour elle, afin de ne pas mobiliser celui de Clémentine. Par contre, comme elle ignore tout de cette machine, elle ne manquera pas de lui demander conseil. Noël n'a pas le temps de s'entretenir du sujet avec Clémentine que la période de Noël arrive. La jeune fille informe sa vieille amie de projets familiaux habituels en la circonstance, la réunion de tous les parents, oncles, tantes, frères, sœurs, cousins et cousines. Clémentine propose alors à sa grand-mère de se joindre à eux. Noël apprécie l'offre, mais n'ose accepter. Elle prétexte de ne pas vouloir déranger, mais Clémentine n'est pas dupe. Elle sent que sa vieille amie peine à s'imaginer au milieu de tant de personnes inconnues qui, soit l'ignoreraient, ce qui ne la dérangerait pas, soit la mettraient en avant à la curiosité de tous, ce qui la dérangerait beaucoup plus. Clémentine annonce cependant à ses parents la venue de Noël. Ils répondent avec une grande gentillesse qu'ils seraient ravis de faire la connaissance de cette dame qui accueille si bien leur fille. Cela rassure un peu Noël sans pour autant la départir de sa timidité. Clémentine achète donc les billets de train, mais comme à chaque fin d'année, des grèves sont annoncées dans les services de transport, mettant à mal tous les projets de vacances et de réunions de famille pour les fêtes. Ne voulant pas s'occasionner des retards et des attentes pénibles, Clémentine convient alors avec ses parents et Noël qu'ils se rencontreront un peu plus tard, et elle déplace les réservations au cours du mois de janvier. Noël n'exprime pas de soulagement, mais Clémentine le ressent et s'en amuse. « Tu n'avais vraiment pas envie de te retrouver en face d'autant d'inconnus, n'est-ce pas ?»« Oui, je le reconnais, surtout s'il avait fallu mettre des heures supplémentaires à attendre les trains dans les courants d'air des gares. » Mais je t'assure que je serai très contente de connaître tes parents. Je le sais, comme je sais que c'est réciproque. On va donc faire notre petit Noël, toi et moi. Que veux-tu comme cadeau? Ta présence, ma chérie, cela me suffit amplement. Et toi? Je vais acheter une belle boîte de chocolat que nous partagerons. Et j'ai une petite surprise, mais il faut que ça reste une surprise. Alors, je ne te dis rien. Moi aussi, j'ai une petite surprise, mais ne fais pas la curieuse. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit sapin? Je n'ai aucune décoration, sauf ma boule à neige. » En riant, Noël la désigne, trônant sur une étagère devant une rangée de livres. Près de la boule, Noël a pris l'habitude de déposer la clé USB que Clémentine lui a donnée. Alors il lui vient une idée qu'elle garde bien secrète. « Je vais m'occuper de la décoration. Et toi, tu nous trouves un menu spécial pour qu'on se régale toutes les deux. D'accord. » À partir de ce jour, les deux amis se font quelques cachotteries qui provoquent des échanges de sourires et de taquineries. Ainsi, Clémentine commence par décorer de quelques guirlandes scintillantes et de boules de verre et d'or le grand caoutchouc qui orne la salle de séjour et dont Noël dépoussière et lustre régulièrement les grandes feuilles vertes. Puis, ayant demandé à ses parents de l'aider à se racheter un nouvel ordinateur portable, plus puissant, plus performant, et surtout plus léger, Clémentine le commande sur Internet et se le fait livrer par le facteur, mais elle n'ouvre pas la boîte quand elle le reçoit. En échange, elle prévoit d'offrir celui dont elle se sert actuellement à Noël, qui pourra ainsi s'en servir sans compter. Elle avait un temps envisagé de le revendre pour en offrir un neuf à sa vieille amie, mais elle sait qu'elle aurait du mal à s'habituer à un nouveau matériel trop performant pour ses besoins. Par contre, elle fait réaliser par un site de design, grâce à une imprimante 3D, un petit paquet cadeau portant le nom de Noël en plastique souple, incluant une clé USB plus puissante, afin qu'elle puisse être mise à côté de la boule à neige, comme si le Père Noël de la boule l'avait déposée. Évidemment, elle en garde le secret jusqu'au jour J. De son côté, Noël s'est dépêché de finir l'écharpe et le bonnet en lainage douillet aux couleurs préférées de Clémentine, puis, en allant acheter les produits dont elle a besoin pour leur dîner de réveillon, elle a découvert dans une boutique de troc un objet qui l'a fascinée. Elle a hésité un moment avant de se livrer à cet achat, ne sachant comment le justifier. Puis elle s'est laissée séduire. Cela ne pourra que renforcer le lien avec cette petite fille que la vie lui a envoyée. Arrive enfin le grand soir, celui du réveillon de Noël. Dans l'après-midi, Clémentine avait organisé une liaison en visio avec ses parents pour qu'ils puissent partager avec Noël les souhaits de bonne fête. Puis, les deux amis ont partagé le repas concocté par Noël, un festival de mets délicats, inhabituels, une découverte de plaisirs gustatifs dans une ambiance chaleureuse, orchestrée sur une musique de circonstance devant l'écran de télévision qui diffuse les Noëls du monde, même si Clémentine et Noël n'y prêtent guère attention. Sous le grand caoutchouc décoré, les petits paquets trônent et sont vite partagés. La joie et l'émotion de Noël en découvrant l'ordinateur offert par Clémentine est sans borne. La jeune fille, elle, se pare immédiatement de l'écharpe et du bonnet et se lance dans une danse frénétique où elle entraîne sa grand-mère en riant. Cependant, le summum de l'émotion arrive lorsque Clémentine ouvre le cadeau secret offert par Noël. Elle déplie le papier, déploie le carton et découvre une boule à neige. Magnifique, étincelante, où le Père Noël, sur son traîneau rempli de cadeaux, salue de la main quand on secoue la boule, tandis que les rennes hochent de la tête au même rythme. Évidemment, les flocons dansent autour des personnages, entourés de sapins décorés de guirlandes dorées. De plus, dans le socle, une petite boîte à musique est installée, et lorsque Clémentine remonte le ressort, le carillon de Jingle Bells se met à tinter. Clémentine se tourne vers Noël. « Merci, mamie Noël, merci, je t'aime !» Et elle va se pelotonner dans les bras de Noël, tout en gardant sa boule à neige dans son giron. « Joyeux Noël !» Ici se termine « La boule à neige » de Geode Ham, enregistrée par Christiane Johan. «